Chapitre 4. Il fallut 2 jours entiers pour que Margrave se familiarisât avec les lieux. Il se fit offrir chaque pièce, chaque recoin de la vaste demeure. Il voulait s'imprégner, disait-il, de l'atmosphère ou plus exactement de l'âme de Sandworth Mansion. Il commença par les combles qu'il parcourut de bout en bout. Puis il visita toutes les pièces, sans oublier le moindre recoin. Au passage, il est superflu de le dire, il soulevait les rideaux, déplaçait les meubles, inspectait le dessous des lits et le dessus des armoires, tout cela sans rien omettre de consigné sur son petit calepin. Journée de méditation et d'attente qui se terminait par une promenade dans le jardin à l'anglaise de la propriété. Son esprit semblait d'ailleurs épouser le cheminement sinueux de ses pas. Il prit le temps de s'arrêter sur un petit promontoire où le paysagiste William Kent avait posé son chevalet de peintre pour concevoir le parc du château. Tout comme pour l'un de ses tableaux, l'artiste avait veillé à l'équilibre des volumes, à l'harmonie des couleurs et des matières végétales. Dans cette peinture à ciel ouvert, serpentait un chemin qui faisait la part belle à la surprise et à la découverte. Pas d'allée rectiligne ici pour guider les pas du promeneur solitaire, mais plutôt une sorte d'errance poétique qui se parcourait d'un pas rêveur. On avait planté là des arbres rares aux feuillages colorés, aux troncs torturés ainsi que des pelouses. Sur le gazon des bancs et des statues rappelaient comme par inadvertance la présence humaine. Des ruisseaux et des étangs s'exhalait une brume irréelle et qui à l'aube encerclait le manoir. Les imperfections de la nature y avaient été exploitées et non corrigées, pour donner à la lande un côté sauvage savamment domestiqué. Le surlendemain, Archibald MacGrath demanda ce qu'on le laissât seul dans le cabinet de travail, qu'il avait réquisitionné afin de voir si les notes qu'il avait prises sur son petit calepin coïncidaient bien avec les documents qu'il s'était procurés aux archives royales. Cela lui prit tout le reste de la journée. Dans la soirée, au moment où le comte et le détective savouraient un whisky, MacGrath déclara « La particularité de cette énigme, c'est qu'elle fonctionne manifestement comme le rocher de Sisyphe. » Le comte resta interdit. S'il était incollable sur les différentes espèces d'oiseaux que l'on pouvait observer, entendre ou chasser dans les Highlands, il ne connaissait rien, en revanche, à la mythologie. « Ce pauvre Sisyphe, enchaîna le policier, avait déclenché la colère des dieux de l'Olympe. En guise de châtiment, ces derniers le condamnèrent à grimper au sommet d'une montagne en faisant rouler un immense rocher. Cependant, une fois au sommet, Sisyphe n'avait pas assez de place pour y bloquer son rocher qui redescendait aussitôt, obligeant le malheureux à le remonter encore et encore. C'est une sorte de bousy grec, osa Reginald, qui ne se rendit même pas compte du ridicule de sa comparaison entre un héros mythique et un insecte des champs. MacGrath ne releva d'ailleurs pas. Je veux dire par là qu'à chaque fois que nous aurons compris une partie de la devinette, nous devons chercher à comprendre la suivante. Ce n'est pas une carte trésor, mais un rébus. Hammersby, entre excitation intellectuelle et vapeur d'alcool, dit avec enthousiasme « Par où commence-t-on ? Par une méprise. Plaît-il ? » se renfrogna le lord en fronçant les sourcils. « En notre manoir prendra tout son sens. » J'ai d'abord cru que cela nous indiquait uniquement où l'on devait chercher. Ici, dans votre demeure familiale. L'indice suivant est un jeu de mots facile. Spectre, sceptre, c'était d'autant plus cohérent quand on sait qui est Sporley. Et qui est-ce, justement? Sporley était un moine de Westminster qui a dressé en 1450 un inventaire des reliques du royaume. Il s'agissait notamment d'objets utilisés lors du couronnement d'Édouard le Confesseur et laissés par lui pour le couronnement de ses successeurs. Un sceptre en or, une canne en bois doré et une tige en fer y sont décrits. Or, tout a été détruit en 1649. J'avais donc dû rater quelque chose. Et vous l'avez retrouvé? Oui. En marchant dans le parc, je me suis rappelé que le jardin à l'anglaise avait été pensé comme un exact contraire des jardins à la française. J'ai donc eu l'intuition qu'il me fallait traduire le texte en bon anglais. Ce qui donnait pour le premier vers « In our mansion will make sense ». Et cela vous parle? Oui. Le meuble à secret de votre arrière-grand-mère est signé du célèbre ministre français Simon-Nicolas Mansion. Et Mansion, Mansion, dans la langue de Shakespeare, c'est un manoir. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Alors j'ai cherché en vain dans votre mobilier un autre meuble signé de sa griffe, mais il n'y en avait pas. En revanche, avant le repas, en flânant dans la galerie des portraits qui jouxte la salle de bal, j'ai trouvé ce que je cherchais. MacGrath s'interrompit. Il leva son verre et fit un clin d'œil. La nuit limite nos mouvements. Alors, cher ami, dormons sur nos deux oreilles, car demain nous partirons en quête du sceptre des reines de France. » Resté seul, quand la pendule sonna 11 heures, Reginald pensa que le moment était effectivement venu de se mettre au lit. Il regagna ses appartements privés. Il étouffa la bouffarde qu'il avait en bouche, après en avoir tiré une ultime bouffée. Il fit sa toilette et se coucha. Mais le sommeil ne vint pas. Lord Hammersby avait beau changer de position et s'obstenir à tenir les yeux fermés, rien n'y faisait. L'impatience le prit, il se leva. Un grand feu flambait dans la cheminée. Il poussa un fauteuil face à l'âtre, s'y laissa tomber, et se mit à lire l'exemplaire de Ma vie sous la Révolution de Grace Elliott, qu'il avait extirpé de la bibliothèque familiale. Tout en fumant, il récapitula dans sa tête tout ce qu'il savait déjà de cette histoire incroyable et sur le rôle jusque-là insoupçonné qu'avait joué son ancêtre dans la mystérieuse disparition du sceptre de Dagobert.